Oslo de Ville présente Une étoile dans la gorge, saison 2. Now look what you've gone and

AK-47 est sorti de mon carnet de poésie et je m'en suis servi pour exploser la tête de 72 connards dans leur costard cravate. Les vagues ont effacé leur sang. Il ne restait plus que nous deux sur la plus belle plage de Californie. Tu étais saine et sauve, en bikini, et tu m'as avoué avoir envie d'une petite page de pub. Depuis que j'écris des poèmes à la con, nos vies ont peu changé, mais c'est déjà pas mal. Et demain soir à 20h45, je te montrerai combien je ferai peu de vagues dans la réalité. Tu m'as donc avoué avoir toujours eu envie qu'un poète aussi intrépide et bodybuildé que moi t'embrasse, juste après avoir sauvé tes petites fesses des méchants. Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir rangé mon AK-47 dans mon carnet de poésie, avec un air de dire « T'as vu ? C'est pas si compliqué d'être heureux quand on fait un effort. » Thank you. Thank you. spectatrice passive d'un rêve inatteignable. Rush numéro 1. Sensation nette et certaine que les choses passeront sur moi, sans m'émouvoir. Mais je suis toujours ému. Je reste ému. L'échine courbée par la fatigue, les yeux secs d'avoir bu l'écran toute la journée, je ne jouis pas. Je ne jouis jamais, de rien je ne peux me repaître, sauf du vide de mes illusions. Rush numéro 2. Bienséance, orgueil, autosatisfaction. Rush numéro 3. Chacun le vendredi soir n'a que ce mot furieux à la bouche. Boire. Rush numéro 4. Épaules tassées, je ne me tiens plus droite. Ça y est, je me satisfais. La révolte est passée. Rush numéro 5. Ce qui est grave, grave, se plier en deux et prendre un grand coup au derrière, c'est d'oublier qu'un homme décide. Rush numéro 6. J'avais vu le soir tomber avant, mais je n'avais jamais cru que c'était le bout de mon nez qui l'écrasait. J'avais vu la lune s'animer avant, mais je n'avais jamais cru que c'était mon sexe qui s'éteignait doucement. Je sentais encore sa lueur sur mon estomac. Sa réclame chaude et désespérée m'émouvait. Never mind. Hello, hello, ripping our veils, unwinding our sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, when we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted, paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouthed, glassy eyed, hallucinating. Thank you. Bonheur du foyer retrouvé après des heures de marche dans le grand froid. Les yeux clos, le fauteuil, l'effet loupe de la baie vitrée, le léger picotement sur la peau, du froid qui se retire. Repenser à cette honte même pas intense de fuir. Marcher à l'aval de la rivière le long de cet arc d'eau, cherchant un nouveau rapport au cercle, et ne rentrer qu'avec les vers qui la feront provisoirement oublier. Les flaques gelées, leur glace au froissement figé, opaque. Le corbeau posé comme un point dans l'arbre fade et endormi. Le congénère qui bat des ailes d'une rive à l'autre. Et soudain cette peur du reste de ton chemin, du segment au bout, dans l'ombre, celui sous les arbres grandit par un soleil qu'il mange. La dent du froid, déjà dans ton visage et déjà dans tes membres. Ta peur monte et c'est ce que tu veux. Tu reviens. Je remarque les plaques de glace brisées comme des vitres par les pieds des joggeurs, trop alertes pour y prendre. Sur la seule palissade du retour, quelqu'un a écrit une longue phrase de Tolstoï. Je pense à sa mort doublement glacée. Au maître, au serviteur perdu par la neige. Une sentence comme un vin chaud, des mots de secours encore, l'idée de se croire apte à un peu de bonté toujours, celle pour réparer ou se taire, pour que vivre soit avancé. Je rentre. Le soleil a commencé de libérer l'eau des flaques, miroir du chemin bleui de bout de ciel. Trois longs oiseaux noirs à bec jaune se propulsent dans le ciel à mon approche. Je les fixe, inséparables, fidèles, mousquetaires lacustres des cieux. Je n'entends que le vombrissement continu d'un groupe d'usines lointaines et le bruit de mes pas sur la terre. Une mouette se laisse aller quelques secondes, plane, avant de mouvoir de nouveau ses ailes. Plus loin, il y a toujours un corbeau qui ponctue maintenant l'autre rive. À deux pas de chez moi, je remarque la lune en plein jour. Elle défie maladivement le soleil, lui fait une ombre blanche. Cette dernière image conclut et ne conclut pas mon retour. Thank you. te dit qu'il faut y aller. Tant qu'il fait bon et clair, laisse le feu, il s'éteindra. Un rond noir dans la neige, on est passé là, on est passé. Quelqu'un se dira, nous aimons le plus beau et le meilleur. Le destin cru, le silence pour se reposer et le bruit joyeux que nous faisons dans la chambre, sous le divan de la terre. Pour qui ? Mensonge de la poussière, poussière dans la poussière et dans la poussière, sans chanter, sans fin. Un regard vers demain, fou, nous disent les sages, pour cela vous serez récompensés. Tous discutent doctement des mondes tels qu'ils sont ou ne sont pas, ou devraient être. Des mondes si intimement imbriqués, savamment entrelacés, plongés les uns dans les autres, et nous sommes prophètes insensés, prophètes méprisés, pleins de mépris pour nous-mêmes, du dédain qui s'écoule de nos bouches, la lave des cerveaux en ébullition. Et c'est parfois de rire, et c'est toujours l'abandon. Dès qu'il s'agit de sagesse, il faut renoncer. marcher vers la mer, travailler, s'abrutir, vivre des vies d'oiseaux, car les volatiles se multiplient, se prolongent en rite immuable, eux seuls sont permanence. Et s'ils viennent à mourir, nous sommes morts aussi. Une seule chose est vérité certaine, l'oiseau ne ment jamais. Moi, si. J'ai aligné tous les arguments possibles, tous étaient faux. J'ai toujours menti, j'ai toujours suivi le même chemin mensonger comme de l'eau, j'ai coulé le long des pentes naturelles. Et c'est ça la vie. Nul jugement, nous sommes comme le vent, imprévisible et capricieux. Je ne me suis jamais demandé vers où je me hâte, et pourtant, je suis avant tout curieux, je ne suis qu'impertinence, mauvais sujet parmi les braves gens, et peu à peu, mes amis meurent. Un nœud pour chaque destin, un filet clair sur de la mousse, et des hommes pierres, un peu partout autour de moi, réprobateurs. Il y a 7 portes, le centre de la Terre, le trône de Saturne. Il faut trouver des clés, il faut lever des voiles. Et puis nous devons avoir cette petite conversation, toi et moi. Tu dois me dire pourquoi j'ai pleuré. Qui est cet agneau sauvage, sauvage, sauvage, trébuchant dans l'obscurité avec ses enfants, aveugle et qui voit tout, un varan géant coincé dans la trachée. Chaque seconde d'écriture du poème, chancelant, je dois le cracher, le tousser. Cette seconde d'éternité qui ne reviendra jamais, si je n'écoute pas son souffle, elle est perdue. Pourquoi suis-je moi penché sur cet abîme? Qui m'attire tant que j'aime plus que tout? Est-ce là ma vie? Y'a une route. mon idylle, à l'altitude de ton charme, aux contrées de celle des dieux. J'y parviendrai. Brave les vents des collines, arides. Continue ce voyage à la conquête des douceurs de sa peau, divine. Si ces brises t'enlisent et que ton souffle diminue, songe dès lors à pardonner. Grâce à vous, un jour, je vaincrai l'illusion du divin. Thank you. Vous pourrez retrouver la playlist des morceaux joués et les références des textes lus sur le site web www.radiosoleil35.com et sur le site web dédié à l'émission unetoiledanslagorge.tk. Et à tous ceux qui ont une étoile dans la gorge, je vous dis à bientôt.